Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le géant Jean Ferré, véritable légende de la lutte professionnelle. Est-ce que c'est toujours facile Jean Ferré ou André the Giant, c'est-à-dire faire 7 pieds 4, peser près de 500 livres, est-ce que c'est toujours facile? Non, pas toujours, parce que j'aimerais faire plaisir à tout le monde, mais il y a des fois les gens ils comprennent pas que même des fois quand je marche dans l'aéroport ou que je marche dans un hôtel ou je vais manger au restaurant, que j'ai envie de vivre comme tout le monde. Je comprends qu'ils veulent avoir des autographes, qu'ils veulent me poser des questions ou quoi que ce soit, mais je veux pas être fâché contre les gens, mais il y a des fois, ça va bien trop loin. Extrait de l'émission Pierre Nadeau rencontre, diffusée à Radio-Québec le 5 octobre 1983. Dans les années 1970 et 1980, Jean Ferré est une immense vedette au Québec. Et au-delà de cette stature imposante qui lui a valu justement son surnom de géant, Jean Ferré a été l'un des plus grands lutteurs de l'histoire de la lutte professionnelle en Amérique du Nord. Il a d'ailleurs été le premier lutteur à être intronisé au temple de la renommée de la WWF. Quand on est tout petit, pour la majorité d'entre nous, nos parents nous lisent des contes de fées. Il y a des chevaliers, des dragons, des sorciers, et il y a des géants. Il incarnait l'une de ces images. Il était la manifestation vivante de nos rêves d'enfant. Weighing 477 pounds, the eighth wonder of the world, André the Giant! Les gens se souviennent du moment où ils ont aperçu André le géant la première fois. On était tous curieux de voir ce géant. D'abord parce que c'était un être humain, mais aussi, et c'est ce qui nous intriguait davantage, parce que c'était plus qu'un géant. C'était un dieu. The crowd goes wild. This is the one we've all been waiting for. André the Giant. Extrait du documentaire « André le géant, le destin du géant ferré » réalisé par Jason Eyre en 2018. Pour nous raconter le parcours exceptionnel du géant ferré, je reçois Patrick Laprade, qui est animateur d'émissions de lutte au réseau TVA, qui a aussi publié récemment le livre « Le géant ferré, la huitième merveille du monde ». Patrick Laprade, bonjour. Bonjour. Alors, quelle place il occupe, Patrick Laprade, le géant ferré, au Panthéon, puisqu'il a été le premier à être intronisé au Panthéon de la WWF? Quelle place il occupe dans ce Panthéon des lutteurs professionnels? Ah ben définitivement, le géant ferré est l'une des plus grandes attractions de l'histoire de la lutte professionnelle. Dans les années 70, il était le seul lutteur à être invité dans des talk shows américains tels Johnny Carson et ce genre d'émissions. D'ailleurs, il faisait partie du livre des records Guinness dans les années 70, pas pour sa grandeur ou son poids, mais bien parce qu'il était le lutteur le mieux rémunéré du monde de la lutte professionnelle. Donc, ça a été tout le long des années 70 et jusqu'au début des années 80, vraiment la plus grande attraction. Celui que tout le monde voulait voir en personne. Il a attiré des foules incroyables un peu partout à travers le monde. Donc, clairement, il a aussi réussi à transcender son sport ici au Québec, mais également aux États-Unis et au Japon particulièrement. C'est ça qui est particulier, effectivement, parce qu'ici, les gens qui sont un peu plus âgés se souviennent de lui. Ça a été, puis on y reviendra, puis on l'entendait dans l'extrait avec Pierre Nadeau, ça a été une grande vedette au Québec, mais ailleurs aussi, aux États-Unis aussi, c'est un gros, gros nom. Il y a même un trophée, le trophée André le Géant, maintenant. Oui, ben la WWE, anciennement WWF, depuis quelques années maintenant, à chaque année à WrestleMania, qui est le Super Bowl du monde de la lutte, si vous voulez, ils ont une bataille royale et le gagnant reçoit le trophée André the Giant, parce que bon, l'une des spécialités dans la lutte du géant, c'était de gagner des batailles royales, évidemment, avec le physique si imposant qu'il avait. Ouais. Alors, c'était normal qu'on le mettait à l'épreuve contre plusieurs de ses adversaires dans une bataille royale. Alors, parlons-en de ce physique imposant. On l'appelait, c'est pas pour rien, André le géant ferré. Parlez-nous de sa taille. Quelle taille il faisait précisément, son poids, puis surtout, pourquoi il était si grand, Patrick Laprade? Bien, le plus grand qu'il a eu, c'est environ 7 pieds. Il a probablement fait autour des 400-450 livres à son plus gros. Il était annoncé beaucoup plus grand. Il était annoncé à 7 pieds 4. Bon, à la fin de sa carrière, à 520 livres. Bon, évidemment, des mesures qu'il n'a jamais réellement atteintes. Si c'était possible, c'était pour le rendre encore plus gros de nature et plus grand de nature. Bon, le géant était atteint d'acromégalie. Donc, on mélange souvent le gigantisme et l'acromégalie. Dans le fond, le gigantisme est une conséquence de l'acromégalie lorsque la maladie se développe avant la croissance de la personne. Donc, lui, dès l'adolescence, il a commencé à devenir plus grand que la moyenne des gens de son âge. Puis la famille ne comprenait pas vraiment pourquoi. Donc, il a été diagnostiqué avec la maladie en 1970, en janvier 70, au Japon, et toujours pris la décision de ne pas se faire opérer pour cette maladie-là, parce que tu peux te faire opérer, enlever les mauvaises conséquences de la maladie qui fait en sorte que le géant est décédé à un très jeune âge. Oui. Il disait que Dieu l'avait fait ainsi et il était serein avec ça. Et aussi, il ne voulait pas perdre le gabarit qu'il avait. Il avait peur un peu que ce qui le rendait si spécial, ben il perde ça, parce que dans le fond, le géant ferré, c'était pas seulement la grandeur et le poids, c'était également les proportions qu'il avait, et c'est ça qui le rendait spécial. Oui. Avant de s'attaquer à son parcours, qui vraiment, encore une fois, vaut le détour, on va tout de suite évoquer, parce qu'on l'a fait déjà, je reviens à cet extrait de Pierre Nadeau, on le réalise, dès le début de l'émission, on écoutait cet extrait, on réalise qu'au Québec, c'est vraiment une grande, grande vedette. Dans les années 70-80, il est invité carrément à tout bout de champ à la télé, dans des téléromans, et évidemment, vous le disiez aux États-Unis, dans des talk shows, mais au Québec aussi. Est-ce que vous êtes très fort? On sait que vous êtes lutteur, par exemple, mais est-ce que le fait d'être aussi grand, ça n'est pas suffisant pour être le vainqueur tout le temps? Est-ce qu'il faut être fort en plus? Disons qu'il faut être fort, puis il faut avoir la souplesse, puis il faut aimer la lutte pour le faire. Et vous, vous aimez ça? Ça fait 9 ans que je le fais, en professionnel, puis j'ai fait 2 ans en amateur avant. Est-ce que vous auriez pu gagner votre vie autrement? Ben, je crois pas, parce que tout me coûte vraiment très cher, tel que les habits pour me faire, pour manger surtout aussi. Vous mangez beaucoup? Ben, essayez de m'inviter un jour. Non, mais... Un repas, ça a l'air de quoi, là? Si on vous sert quelque chose, vous prenez quoi? Ah, ben, je prends 3 ou 4 portions. Enfin, 3 ou 4 steaks en mangeant. 3 ou 4 steaks, ça, c'est un repas. Ben, je mange pas que du steak, j'aime bien varier. Puis j'aime bien boire une bonne bouteille de bon vin avec ça. Une bouteille, vous, c'est... C'est un verre. Oui. Le géant ferré sur le plateau de Lise Payette en 1972. Je le disais, Patrick Laprade, donc grande, grande vedette. Il va aussi participer, par exemple, à des émissions comme Chez Denise ou Saint-Forien dans les années 70-80. Qu'est-ce qui fait... Il est vraiment très, très populaire au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les Québécois l'aiment tant? Bien, il est sympathique, ça, on vient de l'entendre. Il est sympathique, il parle français. Dans l'histoire de la lutte au Québec, les lutteurs les plus populaires auront été soit des Québécois ou soit des Français. Donc, la langue est très importante. Qu'on pense à Yvon Robert, Mad Dog Vachon, Johnny Rougeau, bon, et toute la famille Rougeau, Édouard Carpentier et le géant Ferré. Ben, ils ont tous cette... ce point commun de parler français. Donc ici, c'est très important. Et il y a aussi le fait que le gabarit du géant, comme je disais, les proportions du géant sont complètement différentes d'une personne qui mesure 7 pieds, par exemple un joueur de basketball qui est fait beaucoup plus sur le long. Là, on parle de quelqu'un qui a vraiment un torseau qui est beaucoup plus épais. Il y a des mains, les mains du géant étaient quelque chose à voir. Les extrémités, la maladie de l'acromégalie fait en sorte que les extrémités d'une personne va se développer beaucoup plus parce qu'à un moment donné, la maladie fait que tu arrêtes de grandir. Ouais. Mais tes os, tu continues à avoir des poussées de croissance. Le géant, jusqu'à la toute fin, il a eu des poussées de croissance qui étaient très douloureuses lorsqu'elle arrivait. Et son visage aussi avait des traits très prononcés. Et c'est tout ça que le géant avait peur de perdre en se faisant opérer pour l'acromégalie. Et c'est ce qu'il faisait. On voulait le voir, en fait. C'était spectaculaire. Ce côté gigantesque, ça attirait... Ça contribuait donc à sa popularité aussi. C'était comme une curiosité, le géant ferré. Absolument, c'était une curiosité. Tout le monde voulait voir un géant en personne. Il y a des pères qui amenaient leurs enfants voir des matchs du géant, tout simplement pour aller voir un géant. Mais il y avait toute une légende autour du géant ferré aussi. Puis ça me fait rire d'entendre l'extrait avec Lise Payette, parce qu'en 1972, le géant ferré n'a pas 9 ans d'expérience plus 2 ans de lutte amateur. Ouais. Il a 6 ans d'expérience. Et c'est tout. Il n'a jamais fait de lutte amateur. Donc, le géant lui-même se créait légende autour de lui. Et puis nous, dans le livre, ben, l'important, c'était de rectifier les faits et de raconter les vraies histoires en arrière du géant, parce qu'on a réalisé que les vraies histoires, elles étaient encore plus intéressantes que les légendes qui nous étaient racontées. Ben, la meilleure façon de commencer, en tout cas, à s'attaquer au mythe, c'est peut-être de parler de ses origines. D'abord, son vrai nom. Il est né en 1946 en France, à Coulommiers. Son vrai nom, c'est André-René Roussimoff. Parlez-moi de ça, de ses origines, de ses débuts dans la lutte, Patrick Laprade. Ben exactement. Il est né à l'hôpital de Coulommiers, tout simplement, parce que l'amour, c'était pas un amour, c'est encore plus petit qu'un village là, où il demeurait, n'avait pas d'hôpital. Donc lui, il a grandi à Molien, qui est un petit hameau à peut-être une heure au nord-est de Paris. Et puis c'est ça, il a grandi normalement jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décide d'aller travailler pour son père sur la ferme. Et puis à un moment donné, il a travaillé à l'extérieur de son village natal, et à un moment donné, un promoteur de catch, comme ils disent en France, qui l'a aperçu et qui s'est dit waouh, lui, avec la grandeur qu'il a, ça pourrait faire un bon lutteur, l'a approché, lui a parlé de son projet, et à ce moment-là, André cherchait un travail. Il n'aimait pas nécessairement ce qu'il faisait, il n'aimait pas le métier qu'il faisait. Il était jeune, il avait 18-19 ans, donc il a suivi ce promoteur-là à Paris et a été entraîné pendant à peu près un an avant de faire ses débuts en janvier 1966. Et puis, à ce moment-là, il a lutté principalement en France, mais également en Angleterre. Il a lutté, comme je disais tantôt, en 70, il a fait ses débuts au Japon. Il a lutté un peu partout en Europe, en Afrique. Donc, lorsqu'il arrive ici, le 1er juin 1971, il a déjà 5 ans d'expérience. Et Verdun, donc l'auditorium de Verdun, le 1er juin 1971, a été son tout premier match en Amérique du Nord. Et qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qui fait qu'il vient s'établir au Québec? Frank Valois était un lutteur québécois qui connaissait beaucoup de succès en France. Il avait lutté contre André et il était devenu un ami du géant. Et il connaissait bien les frères Vachon, Édouard Carpentier, qui commençaient leur promotion ici, Lutte Grand Prix, qui était une opposition aux arts de la lutte de la famille Rougeau. Et il leur a tout simplement parlé du géant. Carpentier l'avait également côtoyé lorsqu'il était retourné en France à quelques occasions. Et ils ont fait venir le géant parce qu'ils avaient besoin de lutteurs et de lutteurs différents également pour conquérir le territoire qui était la province du Québec à ce moment-là pour eux. Et le géant a été vraiment une attraction hors pair pour Lutte Grand Prix. Il n'a pas été ici longtemps. Il était ici de 71 à 73, mais il y a eu un impact majeur sur les fans de lutte. Puis il faut dire, parlons-en un petit peu, encore une fois, pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers, un peu plus jeunes, mais le début des années 70, cette période-là, c'est un peu l'âge d'or de la lutte au Québec. Là, c'est très, très... Tout le monde regarde la lutte, Patrick. Ça a été le deuxième âge d'or de la lutte au Québec. Le premier avait été avec Yvon Robert et le promoteur Eddie Quinn les mercredis au Forum et par la suite, les mercredis soirs à la télé, justement, de Radio-Canada. La lutte et les ploufs étaient les deux émissions les plus populaires à l'époque. Et puis, par la suite, il y a eu des années plus sombres et la lutte lutte est revenue en force avec les As de la lutte et la rivalité principalement avec Lutte Grand Prix. Les As de la lutte étaient diffusés le samedi après-midi et attiraient près d'un million de téléspectateurs. Le Lutte Grand Prix était diffusé les dimanches matin et attirait lui aussi près d'un million de téléspectateurs. Donc, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir de la lutte. Et d'ailleurs, il y a eu des assistances records là, dans ces années-là. Bon, malgré ce grand succès, vous le disiez à l'instant, il ne sera pas ici très longtemps. Il va se promener beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il décide de plutôt se concentrer, de concentrer sa carrière aux États-Unis? C'est pas vraiment lui qui a décidé. À un moment donné, c'est sûr que d'autres promoteurs, le mot se passait qu'il y avait ce géant-là à Montréal qui était une attraction hors pair, et là, tout le monde se l'arrachait. Et la rivalité qu'il a eue avec Don Leo Jonathan, un autre lutteur qu'on pourrait presque considérer comme géant. Son nom, c'était le géant mormon. Et puis, il y a eu une rivalité de trois combats au Forum de Montréal qui était surnommé le combat du siècle et qui a attiré d'excellentes foules. Et les promoteurs ici, le promoteur de Lutte Grand Prix, c'était Paul Vachon, le frère de Maurice. Et à un moment donné, ben, ils se sont rendus compte que le géant, il ne pouvait pas l'avoir à chaque semaine ou à chaque mois au Forum parce que, ben, à un moment donné, il perdait un peu de son attrait. Ouais. Tu sais, le géant, c'est une attraction, on l'a dit, c'est une curiosité. Donc, si tu veux le voir, tu vas y aller. Mais s'il vient à chaque semaine, tu te dis, oh, ben, je peux passer cette semaine, je vais le revoir la semaine prochaine. Mais s'il faut t'attendre 6 mois avant de le revoir, ben là, à ce moment-là, ça devient plus intéressant de payer ton billet et de te présenter au Forum ou à l'Auditorium de Verdun. Et le territoire du Québec, étant ce qu'il est, limité par sa grandeur de territoire comparativement, par exemple, aux États-Unis, où Vince McMahon, le père, lui, avait toute la côte est américaine, ben à ce moment-là, Paul Vachon a parlé du géant à Vince McMahon, le père, et a tout simplement envoyé le géant travailler pour Vince McMahon, qui, lui, avait un plus grand territoire et lui avait encore plus de contacts. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a envoyé le géant un peu partout en Amérique du Nord et lui, il touchait une cote, un pourcentage sur la paye du géant. Donc, même si le géant ne luttait pas dans son territoire à lui, il en faisait quand même de l'argent. Donc, mais il avait les capacités, il avait les ressources, il avait le territoire pour faire ça aussi, chose que le Grand Prix n'avait pas ici. Ouais. Et c'est dans cette longue, prolifique carrière américaine que va, à un moment d'année se produire ce combat historique. Le 29 mars 1987, le géant Ferré affronte Hulk Hogan, et ce combat-là, vraiment, il est passé à l'histoire. And Andre the Giant took several right hands from Hulk Hogan, but Hulk could not lift the 525-pound Andre the Giant and nearly took a three count and ended it. À beaucoup d'égards, Hogan était un héros de territoire. Mais le territoire s'étendait maintenant au pays en entier. On lui fournissait des vilains à affronter, mais tôt ou tard, il fallait trouver quelque chose de plus fort. Faire d'André le géant un méchant, c'était vraiment gros. Ça promettait d'être sensationnel. Je ne savais pas comment tout ça allait se dérouler. Je n'avais pas de problème à l'idée de recevoir une raclée d'André. Ça m'élevait à son niveau dans mon esprit. Je voulais lui ressembler, c'était mon idole. Le scénario était parfait. C'était l'histoire de Caïn et Abel. Pour les amateurs de ma génération, non seulement c'était la première fois qu'on voyait André en méchant, mais c'était aussi la première fois qu'on se posait des questions d'ordre moral. On ne pouvait pas envisager Hogan perdre, mais on ne pouvait pas non plus s'imaginer le voir vaincre André le géant. C'est fou, mais on en parlait avec le même sérieux que d'un combat Ali contre Frazier. Both are physical phenoms. André stands 7'4" and weighs 525 pounds. Nous étions jeunes et on analysait tout ça comme s'il s'agissait d'une vraie compétition sportive. On savait que c'était de la frime au fond, mais on se demandait comment ça finirait. Hulk Hogan, Hulk the size, he came back and defeated André the Giant to retain the heavyweight championship of the World Wrestling Federation. À nouveau, un extrait du documentaire André le Géant, le destin du géant ferré. En mars 87, donc, il y a ce combat, Patrick Laprade, qui va faire l'histoire, le combat contre Hulk Hogan. Pourquoi ce combat-là est si important? Mais c'est important parce que c'était la plus grosse plateforme de l'histoire de la lutte à ce moment-là. Vince McMahon avait des idées de grandeur. Préalablement à ça, dans le temps de son père que je parlais, la lutte se divisait par territoire et habituellement, les promoteurs n'empiétaient pas sur les territoires adverses. Vince McMahon, lui, voulait rendre son produit national nord-américain. Il voulait que toutes les télés parlent uniquement de la WWF et il a fini par réussir d'ailleurs. Et à ce moment-là, ben, WrestleMania 3, c'est vraiment la plus grosse plateforme. Il y a tout près de 80 000 personnes au Pontiac Silverdome à Pontiac, Michigan. C'est complètement fou comme ambiance. Et quoi de plus gros que les deux amis Hulk Hogan et Andre the Giant qui s'affrontent avec le géant qui s'associe au vilain et détesté Bobby the Brain Heenan. Et le géant qui était habitué de jouer le rôle du vilain parce que c'est le rôle qu'il jouait au Japon depuis plus de 15 ans à l'époque. Donc, il jouait le rôle parfaitement. Et ben effectivement, on voulait voir, c'était vraiment le héros contre le méchant et on voulait voir Hogan gagner, mais en même temps, on se disait jamais il va réussir à battre le géant ferré. Et ici même à Montréal, il y avait une conférence de presse pour mousser l'événement qui était présenté sur satellite au Forum de Montréal à l'époque. Il y avait une conférence de presse ici parce que le géant avait toujours gardé un lien fort avec le Québec. Il était revenu d'ailleurs dans les années, au début des années 80 avec Lutte internationale où il était l'un des dirigeants avec Gino Brito et Frank Valois. Donc, il a toujours gardé un lien très, très fort avec le Québec et ben, le match avait été couvert par tous les réseaux de télévision, tous les journaux. C'était vraiment là, exceptionnel. C'était un peu, même si Hogan était devenu la vedette de la WWF à ce moment-là, c'était un peu le passage du flambeau, ouais, si vous voulez, ouais, entre le géant et Hogan. Décembre 92, quelques semaines seulement avant sa mort, en janvier 93, le géant ferré livre un dernier combat. Parlez-moi de cette dernière tranche de sa carrière qui est un peu triste. C'est le déclin, en fait, le déclin assez lent du géant. Pourquoi? Ben, sa santé ne lui permettait plus d'être le lutteur qu'il a déjà été, parce que malgré le fait qu'il avait un gabarit hors norme, le géant, pendant plusieurs années, est un lutteur qui savait quoi faire dans le ring, qui était capable d'avoir de bons combats. Mais tranquillement, les blessures ont commencé à se manifester. Il y a eu aussi plusieurs douleurs au dos causées par l'acromégalie et causées aussi par le train de vie et également le métier qu'il avait. Donc, tranquillement, ben, sa santé se détériore. Mais lui, et on l'entendait en début d'émission avec Pierre Nadeau, où il disait qu'il n'aimait pas trop se faire achaler, se faire... Puis c'était en 1983, il y en avait encore pour 10 ans de carrière après ça, mais le géant ferré, à ce moment-là, il veut vraiment continuer à lutter, pas parce qu'il a besoin d'argent, pas parce qu'il s'entête, c'est parce que le vestiaire de lutte, un vestiaire de lutte, pour lui, c'était un sanctuaire. C'était le seul endroit où il n'était pas jugé, il était un des boys, comme on dit. Il était un lutteur parmi tant d'autres. C'était l'endroit où il jouait aux cartes avec ses amis, prenait un verre, allait lutter, revenait, jouait aux cartes, prenait un verre. C'était le seul endroit où il n'était pas dérangé par personne. Personne ne le pointait du doigt. Personne ne riait de lui. Personne pleurait. Des enfants, des fois, qui pleuraient en voyant le géant. Donc, pour lui, c'était l'endroit où il était le mieux au monde. Et c'est pour ça qu'il voulait continuer à lutter. Mais à un moment donné, même Vince McMahon ne pouvait plus l'utiliser parce que, ben, il avait vraiment ralenti. Mais le Japon voulait continuer à l'utiliser. Donc, dans les derniers combats qu'il a eus, c'était au Japon, donc en décembre 92. C'était là qu'il a eu son dernier combat. Patrick Laprade, historien de la lutte, animateur de lutte à la télévision et auteur de l'ouvrage « Le géant ferré, la huitième merveille du monde » que vous avez co-signé avec Bertrand Hébert. Ça a été un bonheur de vous parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.